Glace au citron dans une fournaise. Tout à coup, vers 8 heures du matin, pendant que nous passions dans un défilé, une fournaise, formée par des rochers en granit rose couverts d'inscriptions, Flaubert me dit « Te rappelles-tu les glaces au citron que l'on mange chez Tortoni ?» Je fis un signe de tête affirmatif, il reprit « La glace au citron est une chose supérieure. Avoue que tu ne serais pas fâché d'avaler une glace au citron ?» Assez durement, je répondis « Oui ». Au bout de 5 minutes, « Ah, les glaces au citron !» Tout autour du verre, il y a une buée qui ressemble à une gelée blanche. Je dis « Si nous changeons de conversation ?» Il riposta « Ça vaudrait mieux, mais la glace au citron est digne d'être célébrée. On remplit la cuillère, ça fait comme un petit dôme. On l'écrase doucement entre la langue et le palais. Ça fond lentement, fraîchement, délicieusement, ça baigne l'aluette, ça frôle les amygdales, ça descend dans l'œsophage, qui n'en est pas fâché, et ça tombe dans l'estomac, qui crève de rire tant il est content. Entre nous, ça manque de glace au citron dans le désert de Kozéir. » Je connaissais Gustave. Je savais que rien ne le pouvait arrêter lorsqu'il était la proie d'une de ses obsessions morbides, et je ne répondis plus dans l'espoir que mon silence le ferait taire. De plus belle, il recommença, et voyant que je ne disais rien, il se mit à crier « Glace au citron ! Glace au citron !» Je n'y tins plus. Une pensée terrible me secoua. Je me dis « Je vais le tuer !» Je poussai mon dromadaire jusqu'à le toucher, je lui pris le bras. « Où veux-tu te tenir ? En arrière ou en avant ?» Il me répondit « J'irai en avant. » J'arrêtai mon dromadaire, et quand notre petite troupe fut à 200 pas en avant de moi, je repris ma marche. Le soir, je laissai Flaubert au milieu de nos hommes et j'allais préparer mon lit de sable à plus de 200 mètres du campement. À 3 heures du matin, le dimanche, nous partions, toujours aussi éloignés l'un de l'autre et sans avoir échangé un mot. Vers 3 heures, les dromadaires allongèrent le pas et donnèrent des signes d'agitation. L'eau n'était pas loin. À 3 heures et demie, nous étions à Birember et nous avions bu. Flaubert me prit dans ses bras et me dit « Je te remercie de ne m'avoir pas cassé la tête d'un coup de carabine. À ta place, je n'aurais pas résisté. » C'était « Glace au citron dans une fournaise », extrait des souvenirs littéraires de Maxime Ducamp.